À l'hôpital. Oh, Paul, c'est gentil de venir me voir. Il y a eu une explosion chez toi. C'est terrible. Tu as vu ce qu'il m'est arrivé? Je suis sûr que c'est la momie. La mère de Guillaume entre dans la chambre. Qu'est-ce que c'est, cette histoire de momie? Rien, maman. Mais si, j'ai bien entendu. Tu as dit « je suis sûr que c'est la momie ». Non, ce n'est rien. Écoute, Guillaume, tu peux bien me le dire. Eh bien voilà, il y a 2 jours, nous sommes allés, Paul et moi, au Louvre voir la nouvelle momie. Cette momie, c'est celle de Toucanis, un général de Toutankhamon. Sur le sarcophage, on a trouvé un hiéroglyphe qui signifie « la malédiction pèse sur vous ». Mais enfin, Guillaume, tu ne vas pas croire à cette légende. Maman, tu ne sais pas tout. La momie est venue dans ma chambre. Je l'ai vue. Elle m'a averti. Si je ne la ramène pas en Égypte, les pires malheurs vont nous arriver. Alors je comprends pourquoi vous êtes allé au Louvre et que vous avez voulu y entrer la nuit. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Je n'ai pas voulu t'inquiéter. Regarde ce qui est arrivé. Il y a eu une explosion chez Paul. On m'a opéré. Mais Guillaume, ce sont des coïncidences. De bien curieuses coïncidences. Mais non, voyons. Paul a fait des expériences dans sa chambre et c'est un produit chimique qui a provoqué l'explosion. Oui, c'est vrai. L'après-midi où nous sommes allés au Louvre, j'ai oublié d'enlever l'acide de l'éprouvette à côté du bec Bunsen que j'ai laissé allumer. Il y a eu une combustion et puis le reste, on le sait. D'accord, mais mon opération... Quelques minutes plus tard, le père de Guillaume entre dans la chambre. Lisez ça. La momie du général Toucanis n'est pas authentique. Il y a même quelqu'un qui s'est amusé à inventer une histoire de malédiction. Il faut être vraiment bête pour croire des histoires pareilles.